franceinter.com. Nation de l'islam au Maghreb, celle de la résistance et du djihad, voici que vos enfants s'unissent sous la bannière de l'islam et du djihad contre les États-Unis, la France et l'Espagne et entreprennent de nettoyer nos terres de leurs esclaves Muammar Kadhafi, Zine El Abidine Ben Ali, Abdelaziz Bouteflika et Mohamed VI. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette proclamation appelant à renverser les dictateurs du Maghreb n'est pas liée à l'actualité immédiate. Non, elle a été rédigée en 2007 et son auteur n'est autre que le numéro 2 d'Al-Qaïda, Ayam al-Zawahiri. Le second, d'Oussama Ben Laden, rendait ainsi hommage au créateur d'ACMI, c'est-à-dire Al-Qaïda Maghreb islamique, cette organisation qui fait régner la terreur dans le Sahel et a récemment procédé à plusieurs prises d'otages de Français, dont celle où deux jeunes gens ont trouvé la mort au cours d'une intervention des forces françaises et nigériennes. Monsieur X a donc décidé de dévoiler quelques-uns des secrets de cette mystérieuse organisation affiliée aujourd'hui à Al-Qaïda. Quel danger représente-t-elle exactement? Quelles sont ses forces? Et quelle est la part de la propagande et du mythe? A-t-on affaire à de vrais djihadistes qui combattent au nom d'Allah et qui ont l'intention de faire du Sahel un nouvel Afghanistan, comme le pensent certains experts américains, ou ces hommes qui se déplacent librement dans cette vaste étendue de sable et de rochers sans frontières réelles ne sont-ils que des trafiquants qui dissimulent leurs activités mafieuses sous le couvert d'une idéologie fondamentaliste? Enfin, faut-il craindre que ce terrorisme soit exporté en Europe et d'abord en France, qui semble être une des cibles prioritaires d'ACMI? Autant de questions qui sont d'une actualité brûlante, d'autant que les révolutions démocratiques qui viennent de secouer le monde arabe peuvent être aussi interprétées comme une défaite des thèses islamistes. وجه تشوه في غبار مناهج الدرس وجه تشوه في غبار مناهج الدرس ويكون أن يأتي يأتي مع الشمس بعد انتحار القحط في صوتي شيء روائعه بلا حد شيء يسمى في الأغاني طائر الرعد لقد بلغناها لقد بلغناها بلغناها لقد بلغناها قمة الموت قمة الموت قمة الموت بلغنا بلغنا بلغنا Shamsi. Bah, une remarque d'abord. L'existence d'ACMI, le sens de son combat, son importance, et donc le véritable danger que cette organisation terroriste représente, bah, ils font l'objet d'intenses polémiques parmi tous les spécialistes qui s'intéressent à cette question. Et il est parfois difficile de s'y retrouver. Mais je vous le promets, nous allons voir tout cela en détail, si possible. Ma deuxième observation tient à la nature du terrain d'opération d'ACMI. Mais le Sahel. C'est-à-dire une vaste bande désertique de plusieurs millions de kilomètres carrés qui s'étend d'ouest en est de la Mauritanie jusqu'au Soudan et à la Somalie. C'est-à-dire une zone où les frontières sont, comment dirais-je, virtuelles. Et qu'il est très difficile de surveiller, oui. Enfin, les pays du Sahel, à l'exception de l'Algérie, sont des pays pauvres, qui n'ont pas les moyens d'entretenir des forces armées puissantes. Le Sahel est donc une sorte de zone de non-droit. Et où, traditionnellement, on se livre à de nombreux trafics, oui. Armes, voitures volées, drogues et même trafic d'êtres humains. Des Africains poussés par la misère qui essaient de rejoindre l'Europe et sont la proie des passeurs. Les populations qui vivent là dans le Sahel sont généralement des nomades. Hein. Oui, Touareg, Sahraoui, Toubou, autant de tribus turbulentes qui ont toujours été plus ou moins en rébellion avec les autorités des pays auxquels elles sont officiellement rattachées. Et l'une des grandes craintes des services qui surveillent la région serait que certains de ces groupes concluent des alliances avec ACMI. Mais ce n'est pas encore le cas ? Non. Même si des Touaregs donnent ponctuellement des coups de main aux djihadistes. Toutefois, heureusement, ces nomades sont très jaloux de leur indépendance et ne sont pas très perméables à l'islamisme fondamentaliste que prêchent les dirigeants d'ACMI. Cependant, bah, il faut observer que des émirs d'ACMI ont noué des unions matrimoniales avec des filles de chefs Touaregs. J'ajoute une donnée très importante. Les membres d'ACMI vivent dans le désert exactement comme les nomades. Ils ont adopté leur mode de vie. Ouais. Et alors que la plupart d'entre eux sont des Algériens qui n'avaient jamais connu le désert. Mais ils se sont adaptés, et c'est plutôt vu d'un bon œil par ces nomades. Ouais. À l'origine d'ACMI, car nous en avons déjà parlé ensemble, il y a le GSPC, hein, c'est-à-dire le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Hein. Une organisation terroriste algérienne. Et avant le GSPC, il y a eu le GIA. Oui, ça c'est le groupe islamique armé. Hein. Qui a sévi de façon particulièrement sanglante en Algérie au cours de la décennie 90. Et même en France, hein, puisque les attentats de 1995 ont été attribués au GIA. Donc l'origine d'ACMI est algérienne. Incontestablement. Et pratiquement tous ses dirigeants sont des Algériens. Alors, opérons un petit retour en arrière. Le point de départ, ce sont les élections législatives de 1991 en Algérie. Oui, élections dont le premier tour a été largement gagné par les islamistes du FIS. Ce qui a conduit les militaires tout puissants depuis l'indépendance à annuler le deuxième tour et à déposer du même coup le président algérien Chadi Ben Jadid. Et puis, c'est le FIS qui est peu après dissous. Conséquence, certains de ses militants choisissent la clandestinité de l'action armée. Et c'est ainsi que va naître le GIA. Ou les GIA, car on assistera à la naissance de plusieurs organisations plus ou moins autonomes. Et puis il y a aussi le bras armé du FIS, l'AIS, l'armée islamique du salut. Une différence avec les GIA En principe, l'AIS refuse de s'en prendre aux civils et aux étrangers. Ouais. Et qui sont alors ces militants qui vont commettre d'innombrables exactions ? Innombrables, oui. Car cette sale guerre qui va durer plusieurs années fera entre 150 000 et 200 000 morts. Alors, les militants, eh bien, ils sont d'origine très diverse. Il y a d'abord ces types qu'on appelle les Afghans. Oui, parce qu'ils ont combattu les Soviétiques en Afghanistan, c'est ça. Ouais. Des fous de Dieu qui vont exploiter la situation sociale, le chômage, la pauvreté. Et puis toute une frange de marginaux, de petits voyous va les rejoindre. Mais il ne faut pas oublier que ces islamistes vont être aussi manipulés par ces mêmes militaires qui les combattront. L'armée qui continue à mener le jeu, quoi. L'armée, après avoir tout fait pour que les islamistes gagnent les élections, se donne le beau rôle en évitant au pays de devenir un nouvel Iran. Et en Occident, à quelques exceptions près, on approuve. Car même si on a guère de sympathie pour les généraux qui ont interrompu le processus électoral, on respire. Oui, à cause du danger islamiste auquel on a échappé. Hein. Ça rappelle autre chose, hein, si on tient compte de la situation actuelle. Et chez nous, alors, rappelez-moi. François Mitterrand était très prudent. Il a condamné l'intervention des militaires, ce qui a suscité la fureur des généraux. Mais dans le même temps, le président français a déclaré comprendre leur motivation. Ouais, c'est une façon de leur dire, vous avez bien fait. Hein. La France va donc objectivement soutenir les généraux, en refusant par exemple de réduire l'aide économique à l'Algérie. Ouais. On a donc au fond assisté à un coup d'État. Hein. Les généraux ont en effet gagné. Mais en se servant du fils pour revenir au pouvoir, ils ont ouvert la boîte de Pandore et déclenché un cycle infernal. Mmh. Oui, c'est l'horreur des massacres de civils. Mais en attendant, il y a la parenthèse Boudiaf. Je résume. Ces militaires qui détiennent tous les leviers du pouvoir politique, militaire et économique, préfèrent demeurer dans l'ombre. Il leur faut un paravent civil qu'ils pourront manipuler. Un homme qui leur permettra de continuer à percevoir de substantielles commissions sur les importations de biens, les affaires immobilières et bien entendu le pétrole. Mmh. Et c'est donc Boudiaf qu'ils vont choisir. Hein. Un personnage emblématique, puisqu'il a été l'un des pionniers du combat contre la colonisation. Et surtout, il a un avantage énorme sur les autres candidats possibles. Il vit depuis de longues années à l'étranger, au Maroc exactement. Les généraux estiment qu'il est coupé de la réalité algérienne et donc qu'il ne sera pas en mesure de s'occuper de leurs affaires. Ouais, c'est-à-dire qu'il ne sera pas susceptible de comprendre et d'attaquer même le système mafieux qui a été mis en place. Voilà. Mais la nouvelle marionnette va rapidement échapper à ses créateurs. Boudiaf n'est pas décidé à s'en laisser compter. Rapidement, et malgré la surveillance constante dont il est l'objet, il donne d'inquiétants signes d'indépendance. Pire, il dénonce publiquement la corruption. Commande une enquête, fait arrêter un important trafiquant lié à un général et limoge un autre officier supérieur, membre de la clique. Bref, Boudia devient très gênant. Ben oui, il va être liquidé. En juillet 1992. Bon, je ne reviens pas sur cet événement dramatique dont nous avons parlé autrefois. Et son assassinat sera mis sur le compte des islamistes. Oui, alors que ce sont les généraux et la direction de la sécurité militaire qui ont perpétré le coup. À partir de là, on assiste à une folle course en avant. Civils, policiers, militaires sont indifféremment pris pour cible par le GIA. Et cyniquement, ça arrange le pouvoir. Et pour quelle raison alors ? Ben, il y en a plusieurs. D'abord, ça permet de diaboliser les islamistes et donc de justifier la politique de répression menée par les forces de l'ordre. Ensuite, les horreurs perpétrées par le GIA obligent l'étranger à soutenir les généraux. Deuxièmement, l'existence du ou des GIA permet de se débarrasser d'éléments gênants. Ah oui, lorsqu'on veut éliminer un opposant, on met ça sur le compte du GIA. Ah oui, c'est très pratique. La troisième raison est encore plus machiavélique. Les généraux mettent en avant leur lutte contre le terrorisme pour rester au pouvoir et mettre le pays en coupe réglée, au nom de la lutte contre l'intégrisme. Mmh. Si je vous entends bien, alors, ils sont donc tentés de prolonger le conflit ? Bah forcément. Parce qu'il est quand même difficile d'expliquer comment l'armée qui est puissamment équipée, qui dispose du matériel le plus performant, grâce à la France notamment, n'est pas encore venue à bout de ces maquisards qui peuvent descendre dans les villages et égorger impunément, sans que l'armée, parfois casernée à proximité, n'intervienne. Ces premières années du terrorisme algérien sont confuses et comportent encore de nombreuses zones d'ombre. Aveu de l'un des meilleurs spécialistes de la région, Mathieu Guider, dans son ouvrage « Al-Qaïda à la conquête du Maghreb ». Je cite « Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur le ou les GIA, leur composition, leur évolution et leur action entre 1992 et 1997. Certaines études relèvent de l'opinion personnelle ou de l'hypothèse invérifiable, étant donné la forte désinformation qui entoure ces groupes et les manipulations dont ils ont fait l'objet au cours des années 1990. Même les informations concernant les premières années du GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui en est directement issu, sont fortement sujettes à caution en raison du manque de documents authentifiés et de sources fiables concernant en particulier la période 1998-2003. Le livre de Guider a été publié par les éditions du Rocher en 2007. Rendez-vous avec X. Alors si je vous comprends bien, là, les généraux algériens auraient donc été implicitement complices des tueurs du GIA. Quand ils n'ont pas été à l'origine même de la création de quelques GIA. Ça, c'est une accusation très grave. Bon, en tout cas, au cours de ces terribles années, la malheureuse population algérienne est prise en étau entre une clique corrompue et des fous sanguinaires. L'existence de l'une justifiant celle des autres. Une observation avant de poursuivre. Les commandos du GIA ne se sont pratiquement jamais attaqués aux installations pétrolières, à l'exception d'un sabotage opéré contre une entreprise française. Or, beaucoup de ces puits de pétrole sont exploités par des sociétés américaines. Qu'en concluez-vous ? Les États-Unis, au moins jusqu'au 11 septembre, n'ont jamais été vraiment hostiles aux islamistes. Contrairement aux autorités françaises, le gouvernement des États-Unis a envisagé sans trouble excessif l'arrivée au pouvoir des islamistes à Alger. Et je suis même pratiquement certain que le fils a été discrètement encouragé par Washington. Ouais, mais tout va changer après les attentats du 11 septembre. Bien entendu, l'islam va alors être systématiquement associé au terrorisme. Mais je poursuis. La France, vous le savez, va finir par être prise en otage dans ce conflit algéro-algérien. Oui, à cause de son soutien aux généraux. Bien sûr, même si à Paris, les gouvernements successifs ne veulent pas donner l'impression de choisir entre les généraux et les islamistes, il est clair que nous sommes clairement du côté des hommes au pouvoir, à qui nous accordons une aide économique importante et à qui nous livrons du matériel militaire. Ça va nous valoir d'être directement impliqués. Bon, je n'y reviens pas de façon détaillée, car c'est un sujet que nous avons déjà abordé. Oui, vous voulez parler là des attentats meurtriers de 1995 à Paris. En particulier. Mais ça avait commencé en 1993, avec l'assassinat en Algérie de deux géomètres français. Puis il y a eu ce curieux enlèvement de trois fonctionnaires du consulat. Ouais, je me souviens, un enlèvement bidon. Oui, ce sont les services algériens qui ont organisé ce kidnapping. Parce qu'ils voulaient pousser le gouvernement français à agir contre les islamistes qui se trouvaient sur notre territoire. Ce qui sera fait. Oui, c'est la fameuse opération Chrysanthème, ordonnée par Charles Pasqua. Une rafle dans les milieux musulmans opérait son grand discernement. Quoi qu'il en soit, il devient évident que la France devient peu à peu une base arrière pour les militants du FIS qui mènent la lutte armée contre le pouvoir algérien. Et Alger presse notre gouvernement d'agir plus fermement contre ces fondamentalistes qui recrutent même dans le milieu. Le milieu, les gangsters ? Oui, on en aura la preuve lorsque le réseau Chalabis sera démantelé. Une perquisition en novembre 1994 permettra de saisir un véritable arsenal, armes de guerre, munitions, produits chimiques et systèmes de transmission sophistiqués. Et la réponse, un mois et demi plus tard, ce sera la prise d'otage par un commando du GIA des passagers d'un Airbus d'Air France qui allait décoller d'Alger. Oui, un avion qui ensuite atterrit à Marseille. Et le GIGN est intervenu avec succès. Les représailles ont été immédiates. Dès le lendemain, quatre pères blancs résidant en Algérie, dont trois Français, sont assassinés. Il est clair que tôt ou tard, les islamistes frapperont en France. C'est une véritable course de vitesse qui s'engage entre les terroristes qui vont tenter de reconstituer leur réseau démantelé et la police. Ouais. Et on en arrive donc aux attentats de 1995. Et d'abord, une bombe déposée dans le RER à la gare Saint-Michel. Oui, un vrai massacre. Mais inutile d'y revenir car vous avez encore en mémoire les terribles images de cet attentat qui a causé la mort de 8 personnes et fait des dizaines de blessés. Ensuite, il y aura le dépôt d'une autre bombe près de la place de l'Étoile, puis l'explosion de colis piégés sur un marché, boulevard Richard Lenoir à Paris, devant une école juive à Lyon, et encore à Paris, au métro Maison-Blanche et à la station Quai d'Orsay. Oui, mais c'est la tentative ratée perpétrée sur la ligne TGV Paris-Lyon, je crois, qui va permettre à la police d'avancer. Oui, car les enquêteurs vont miraculeusement trouver sur un adhésif qui entourait le dispositif meurtrier une empreinte digitale. Celle de Khaled Kelkal, un jeune délinquant d'origine algérienne, déjà connu des services de police. Et ça permettra de remonter rapidement la piste des terroristes. Ouais, je me souviens, ouais. Et ces attentats ont-ils été revendiqués, au fait ? Jamel Zitouni, l'émir du GIA, en assume la responsabilité. Zitouni, l'homme qui porte aussi une responsabilité dans l'assassinat des 7 moines de Tibérine en 1996, et de bien d'autres massacres encore. Ouais. Mais vous m'avez également dit, quand nous en avions parlé, que ce type était vraisemblablement manipulé par les services algériens. Et ce n'était pas le seul. Souvenez-vous de ce nommé Ali Touchent, un homme qui se faisait passer pour le véritable chef du réseau et qui était en contact direct avec les commanditaires des attentats. En tout cas, C'était loin d'être un inconnu pour la police française. En 1989, cet étudiant a créé à Paris une section du FIS. Ouais, le FIS était alors un parti légal en Algérie. Hein. C'est juste. Ouais, ouais. Cependant, la suite est étrange. Après un séjour dans son pays au moment des élections législatives, il revient en France où il ne cesse de voyager sous les identités les plus diverses. C'est déjà un militant clandestin. Ça y ressemble. Mmh. Mais écoutez, en 1993, lorsque Pasqua déclenche la première rafle dans les milieux islamistes, Tarek Touchent échappe miraculeusement à l'arrestation. Une autre fois encore, la même année, alors qu'il s'est caché dans un foyer d'immigrés, il parvient à s'enfuir. Ensuite, on le signale dans plusieurs pays européens où il est soupçonné de se livrer à des trafics d'armes. En faveur des maquis islamistes ? Probablement. Hmm. Et à nouveau, il réussit à fuir à temps lorsque la police belge s'attaque à un réseau du GIA en mars 1995. Toutefois, la DST le suit à la trace. Mais l'homme est insaisissable. Et quand la police démantèle le réseau des poseurs de bombes de 1995, Touchent s'échappe de nouveau. Mmh, ça fait beaucoup, alors. Mais pourquoi ce Touchent-là a pu s'en sortir à chaque fois ? La suite va vous permettre de vous faire une idée. En 1996, Touchent se trouve en Grande-Bretagne, puis il disparaît. On le retrouve à Alger, où pourtant il est en principe activement recherché. Il habite dans une cité où sont logés les CNS, l'équivalent de nos CRS. Bizarre, non ? Ça, je vous le concède. Hein. Et en 1997, il décède de mort violente dans l'un des endroits les plus surveillés d'Alger, près de l'hôtel Al-Jazair. Mais il faudra attendre plusieurs mois pour que les autorités algériennes identifient formellement son cadavre et communiquent ses empreintes digitales aux enquêteurs français. Ouais. Je vois ce que vous voulez insinuer. Touchent était en réalité un agent des services algériens. Oui, il a été abattu parce qu'il en savait trop. Ou qu'il avait cessé de servir. En fait, grâce à ce type, le DRS algérien, c'est-à-dire le département de la recherche et de la sécurité, ancienne sécurité militaire, manipulait les hommes du GIA en France. Je ne suis pas le seul à le dire. Le propre frère de Touchent l'a reconnu. Peut-être, mais attendez, si c'est vrai, quel était l'intérêt des Algériens ? En manipulant les poseurs de bombes, les services algériens voulaient nous impliquer dans la guerre qu'ils menaient eux-mêmes. Et nous impliquant, ils justifiaient tous les coups tordus auxquels ils se livraient dans leur pays. Cette sale guerre qui leur permettait de rester au pouvoir. Bon, venons-en maintenant au GSPC. Oui, le GSPC, donc, héritier direct du GIA. Mm-hmm. Et c'est une organisation qui se réclame donc du salafisme. Précision, là. Le salafisme n'est ni une organisation religieuse, ni un mouvement en tant que tel. C'est d'abord un courant de l'islam. Les salafistes en appellent à la purification de l'islam, c'est-à-dire qu'ils entendent le débarrasser de tous les apports culturels ou religieux étrangers. Ouais. Des fondamentalistes, donc. Et qui réclament la stricte application de la charia. Naturellement, ce dogmatisme conduit vers l'extrémisme. Ouais, et le djihad. En effet. Mmh. Alors les hommes, le GSPC est né d'une scission du GIA. L'initiateur de ce divorce est un certain Hassam Khattab. À noter que la famille de cet ancien émir du GIA a été soupçonnée d'avoir participé à l'assassinat des moines de Tibérine. Ah, lui aussi. Et qu'est-ce qui provoque cette scission, là ? Khattab veut à la fois en finir avec les conflits internes du GIA qui dégénèrent souvent en confrontations armées. Alors, attisé quand même. Hein. Mmh. J'imagine par ces agents infiltrés du DRS, là, le département de la sécurité algérienne, c'est ça ? Forcément. Et puis, Khattab est aussi opposé au massacre collectif de civils. Et très vite, on a l'impression que c'est un groupe plus discipliné, plus homogène, plus structuré aussi, qui vient de naître. Et de nombreux membres du GIA sont tentés de rejoindre le GSPC. D'autre part, la nouvelle organisation va bénéficier de la politique de concorde civile prônée par le président Bouteflika dès son accession au pouvoir. Et pourtant, ça devrait être le contraire, non ? On pourrait le penser, c'est vrai. Mais amnistie veut dire libération des prisonniers. Et un certain nombre de ces militants remis en liberté vont rejoindre le GSPC. En particulier, plusieurs déserteurs de l'armée algérienne. Enfin, et c'est important, il semble bien que le GSPC se soit attaché à cultiver ses soutiens à l'extérieur de l'Algérie. En Europe ? Oui, des soutiens tactiques et financiers. Les mosquées britanniques auraient en particulier contribué à aider le nouveau mouvement. Et ces mosquées, on le sait, hein, entretenaient aussi des relations avec Al-Qaïda. Et dès lors se pose déjà la question des rapports qui existent entre l'organisation de Ben Laden et ce GSPC. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud sur France Inter. Nombreux ont été ceux qui se sont posés des questions à propos du mystérieux Tarek ou Touchent. On a même prétendu qu'il avait été recruté par notre service de renseignement, la DGSE. D'autres ont affirmé que c'est lui qui a dénoncé les terroristes qui ont ensanglanté Paris en 1995. Aussi ai-je consulté le livre d'Ali Laidi, Le djihad en Europe, et j'y ai lu ceci. Cette incroyable capacité qu'a Touchent d'échapper au coup de filet l'espantois. Forcément, on s'interroge et on élabore les pires scénarios. Touchent est-il une taupe des services algériens, chargée d'embraser la France pour déclencher la répression des autorités contre les réseaux de soutien aux islamistes algériens? Touchent bénéficie-t-il du soutien de certains clans au pouvoir en Algérie? Des preuves? Elles sont maigres, tout juste. Un numéro de téléphone relevé sur un carnet d'adresses lui appartenant, suivi des initiales DS, qui pourrait bien correspondre aux coordonnées des services de sécurité algériens. Il est probable qu'on n'en saura jamais plus. Ce livre a été publié au Seuil en 2002. Je voudrais revenir sur cette information quand même assez paradoxale. La politique de concorde civile du gouvernement algérien aurait favorisé le recrutement dans les rangs du GSPC. Je vous explique. Dès son élection en 1999, le président Bouteflika s'assigne comme première tâche d'afficher une nouvelle respectabilité et donc d'en finir avec la sale guerre et ses horreurs. Oui, ce sera donc là ce référendum sur la concorde civile. C'est ça. Bouteflika offre la paix des braves aux membres du GIA. Seuls les assassins et les violeurs échappent à l'amnistie. Et ça donne quoi alors? Bon, comme il suffit d'une déclaration sur l'honneur pour bénéficier de l'impunité et même d'une prime de réinsertion, bah, ils sont des milliers à sortir du maquis, ce qui n'empêche pas leurs frères d'armes de continuer à massacrer des civils. Cette politique des repentis n'est pas par conséquent un vrai succès. C'est pourquoi, une deuxième fois, en 2005, Bouteflika offrira, et toujours par référendum, une nouvelle possibilité de réconciliation. Et plusieurs milliers de détenus seront ainsi libérés. Ce qui ne laisse pas d'inquiéter, parce que parmi eux, il y a des gens dangereux. Des assassins. Naturellement. Mais pour le pouvoir, ce grand coup d'éponge sur les crimes passés a au moins deux avantages. Non seulement il blanchit les exactions commises aussi par les forces de sécurité, songez que désormais toute référence à la guerre civile est interdite sous peine de sanction. Mais il montre à l'opinion internationale que l'Algérie est devenue un pays fréquentable. Ouais. Mais attendez, est-ce que l'oubli peut se décréter? Bien sûr que non. Et le grand historien de l'Algérie, Benjamin Stora, pourra écrire « L'amnistie n'a jamais engendré l'amnésie. » Donc les plaines sont pas refermées? Loin de là. Alors la création du GSPC, officiellement, elle intervient fin 1998. Et son premier émir est donc ce Hassan Attabla. Alors, un mot sur ce personnage? Ce trentenaire a d'abord fait son service militaire chez les paras. Puis il quitte l'armée, adhère au FIS et dès 1992, il prend le maquis. Il appartient donc au GIA. Et il accède très vite à des responsabilités au sein de l'organisation terroriste. Mais il se sépare du GIA, qu'il accuse de perpétrer des tueries gratuites. Lui préconise au contraire des attentats ciblés qui épargnent les populations civiles. Autre différence, Attab veut que le GSPC soit doté d'une structure rigoureuse et cloisonnée en cellules de base, phalanges, sections et compagnies. Il introduit donc la discipline dans le mouvement. Ouais. Oui, il veut aussi rétablir le contact avec la population. Ouais. Ça, c'est la vieille tactique maoïste du poisson dans l'eau. Mais après les massacres passés, ça ne doit pas être évident. C'est vrai. Cependant, Attab réussit à implanter solidement son organisation à l'est du pays. Oui, c'est-à-dire la Kabylie. En particulier. Et notez bien qu'aujourd'hui, la tête d'Akmi s'y trouve toujours, bien que son théâtre d'opération soit principalement le Sahel. Et combien de divisions? Au début des années 2000, on estime que le GSPC regroupe 400 combattants. Et concrètement, alors, quelles actions mènent ces 400 combattants du GSPC? Sous la direction d'Assam Attab. Ce sont essentiellement des attaques et des embuscades contre les forces de l'ordre et l'armée. Et certaines sont très meurtrières. En même temps, on observe que de plus en plus de sections du GIA rejoignent le GSPC. C'est une stratégie gagnante par conséquent. Et comment se situe le GSPC par rapport aux attentats du 11 septembre à New York? L'organisation se range assez timidement aux côtés de Ben Laden. Toutefois, au fur et à mesure, elle va multiplier les signes d'allégeance dans les mois qui suivent. Mais ça suscite des débats au sein des dirigeants du GSPC. Khatam est nettement plus tiède que certains jeunes qui l'ont rejoint et qui deviendront bientôt les émirs d'Acmi. Abdelmalek, Dogdal, et Mokhtar, Ben Mokhtar, qui sont de farouches admirateurs de Ben Laden. Ouais. Le verre est déjà dans le fruit. Oui, ça va devenir encore plus évident avec le déclenchement en 2003 de la guerre de George Bush en Irak. Khatab, tout en condamnant avec force les États-Unis, s'oppose à ce que des combattants algériens partent pour l'Irak. Tandis que la jeune garde du GSPC, au nom de la lutte globale contre les croisés, se prononce au contraire pour une solidarité totale avec les djihadistes irakiens d'Al-Qaïda. Au fond, c'est une opposition là, entre nationalistes algériens et internationalistes arabes. Et c'est Khatab qui perd. Mais il est mis en minorité, il doit démissionner. Ouais. Ça signifie aussi que le GSPC va se rapprocher encore un peu plus d'Al-Qaïda. Bien entendu. Et le nouveau chef de l'organisation algérienne, un certain Nabil Sahraoui, va même jusqu'à présenter des excuses à Ben Laden pour ne pas l'avoir soutenu plus résolument depuis le 11 septembre. Est-ce que ces dissensions-là laissent des traces? Oui, et Sahraoui peine à s'imposer à la tête du GSPC. Mais bientôt, il disparaît de la circulation. Ah bon? Et que lui arrive-t-il alors? Il est tué au cours d'un engagement avec l'armée algérienne. Et c'est Drugdal, l'expert artificier de l'organisation, qui lui succède. Expert artificier. Il avait des connaissances particulières, celui-là? Il a commencé des études scientifiques avant de rejoindre la rébellion. Et dès la création du GSPC, il a été promu instructeur militaire en chef. Lui aussi, comme Khatab, est en principe hostile au massacre aveugle de civils. Ce qui ne l'empêchera nullement d'être à l'origine de plusieurs attentats suicides. Mais on reparlera de ce personnage qui est aujourd'hui l'un des principaux émirs d'Acmi. Vous avez précédemment affirmé que le GIA entretenait des rapports troubles avec les services algériens. Alors, en est-il de même avec le GSPC? C'est une question qui fait toujours débat. Et j'essaierai d'être plus précis un peu plus tard. Parce que cette interrogation vaut aussi pour Acmi, qui sera la nouvelle identité du GSPC après 2006. D'autre part, il faut aussi tenir compte des éventuelles provocations des services algériens. C'est-à-dire? Il n'est pas exclu que le DRS ait provoqué des attentats à seule fin de les attribuer ensuite aux islamistes. Et ça a sans doute été le cas quelques jours après le 11 septembre 2001, lorsqu'un terrible massacre a été perpétré dans la ville d'Al-Arabiya. Mais pour revenir à la question que vous m'avez posée, il faut évoquer cette curieuse prise d'otage qui a eu lieu entre février et avril 2003 dans le Sahara algérien. Oui, les otages étaient des touristes allemands. En majorité, oui. Ils étaient une trentaine et ils ont été enlevés alors qu'ils effectuaient une randonnée au Sahara. Oui, et en même temps, c'est à cette occasion qu'on va vraiment entendre parler du GSPC. Exactement. Et à l'époque, c'est une entité encore parfaitement mystérieuse. À Alger, on évoque un maquis islamiste qui agirait au Sahara. Et ça paraît tout de suite assez irréaliste. Mais pour quelle raison? Il y a des lieux plus hospitaliers que le Sahara pour constituer un maquis, à moins de disposer de moyens matériels considérables, véhicules, ravitaillement, moyens de transmission, etc. En tout cas, cette prise d'otage semble interminable. Des semaines, des mois. Un premier groupe est libéré au mois de mai. Et le deuxième ne le sera que beaucoup plus tard, en août. Et des rançons ont été versées? En effet, des millions de dollars. Mais on n'en saura pas beaucoup plus. Car toute l'affaire reste entourée de mystères et les otages libérés ont été priés de ne pas donner de détails sur leur aventure. Ainsi, selon la version officielle, celle du gouvernement algérien, c'est l'armée qui aurait délivré le premier groupe de touristes. Mais dans quelles conditions? Ça, on ne le sait pas. Et il y a matière à s'interroger. Car l'un des otages parlera quand même. Ah ben, que raconte-t-il alors? Au lieu de se servir de leurs otages comme boucliers humains, les ravisseurs prendront au contraire la précaution de les protéger à l'abri d'une grotte. Et à l'issue de l'assaut, quand les touristes sortiront, ils ne verront ni morts ni blessés, alors que l'armée affirmera avoir tué 4 ravisseurs. Ah, il y aurait pu y avoir mise en scène. Un faux assaut. Quant au deuxième groupe, le GSPC le libérera au nord du Mali. Ce qui montre une nouvelle fois que les ravisseurs disposaient de moyens de déplacement importants. Alors, conclusion? Il faut d'abord relever le communiqué officiel des autorités algériennes, qui confirme l'existence dans le Sahara d'un sanctuaire d'islamistes lié au grand banditisme. Ah oui, le grand banditisme. Et encore une fois, c'est la première fois qu'on en parle. Mais cette implantation, alors, elle est donc aussi une menace permanente pour tous les pays de la région, si on croit se communiquer. Oui, c'est exactement ce que je voulais souligner. Ouais. Comme si l'Algérie voulait impliquer ces pays. Ah, pas seulement eux. On est en 2003, je vous le rappelle. Les États-Unis ont déclaré vouloir en finir avec le terrorisme un peu partout dans le monde. Alors, ce message serait donc aussi destiné à Washington? Ah ben, c'est ce que je pense, oui. Quoi, un appel à l'aide? Non, mais au moins une façon de les impliquer et de dire aux Américains, voyez, nous appartenons au même camp. Et oublier du même coup nos erreurs passées, quoi. C'est ça, oui, c'est ce que je pense, oui. Mais dans cette affaire des otages européens, là, y aurait-il pu y avoir une nouvelle fois une manipulation des services algériens? J'ai souligné tous les aspects bizarres, sinon obscurs, de cette affaire. Et encore, ne vous ai-je pas parlé du personnage qui a dirigé l'opération sur le terrain? Au nom du GSPC? Bien sûr. Un certain Elpara, son sobriquet qui a eu pour le moins un parcours très étrange. Mais enfin, nous verrons cela ultérieurement. À samedi prochain, donc, pour la suite de ce récit sur Acmi. Je vous signale la parution très récente d'un livre signé par Marc Trévidic, le juge d'instruction de la section antiterroriste, qui s'occupe de quelques dossiers brûlants qu'il a hérités du juge Bruguière. Son ouvrage, paru chez Lattès, au cœur de l'antiterrorisme, évoque aussi Acmi, et d'une façon plus générale, les moyens mis en œuvre par la justice et la police pour prévenir les menaces terroristes. Et aussi, deux autres livres, Le terrorisme au nom du djihad de Philippe Migaud chez André Versailles, éditeur, et Contre-espionnage algérien, notre guerre contre les islamistes d'Abdelkader Tiga avec Philippe Lejoie, et c'est paru chez Nouveau Monde. Sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et bien sûr communiquer avec nous. C'est Rebecca de Nantes qui a préparé cette émission, réalisée par Michel Billou et Stéphane Combe. Monsieur Djoub y a ajouté quelques notes de musique comme à l'habitude. Tout de suite après le flash, un peu de verre, CO2 mon amour de Denis Chessou.